Un soir qu'elle pleurait, par Binet Valmer. Un beau jeune homme, croyez-moi, et qui tenait de son père haute taille, large encolure, et cette vitalité grâce à quoi Laurent Vrignac stupéfia pendant 20 années le Paris du boulevard et de la chronique. Ce Laurent, ainsi que l'appelaient les 1000 personnes qu'il avait coutume de tutoyer, était plus friand de femmes que Casanova lui-même. Nous apprîmes son mariage le jour où le divorce fut prononcé entre lui et Juliette Vrignac, et au profit de cette dernière. Déjà, il n'avait plus l'âge du vrai triomphe. Il n'étonnait plus, et le public, habitué à sa verve, comparait l'œuvre d'aujourd'hui à l'œuvre passée. Quand l'écrivain n'a pas de génie, c'est le moment difficile. Et Vrignac n'avait que de la fougue, du sang et l'appétit des blessures. Comme on l'admirait moins, il s'en alla vivre avec une médiocre danseuse éblouie et, dans sa prodigieuse inconscience, abandonna, le cœur léger, son épouse et le petit garçon qui est devenu ce jeune homme à l'âme intelligente, honnête et droite. Si vous le connaissiez, vous auriez de l'affection pour lui. Il y a tant de franchise et de fermeté dans sa poignée de main. Les yeux sont clairs, la bouche n'a pas de mollesse. Peut-être ses cheveux blonds sont-ils trop soyeux. Mais le front se développe songeur. Lorsque vous saurez qu'à 16 ans Edmond gagnait l'argent dont sa mère avait besoin, vous aurez l'estime que j'ai pour lui. C'est une femme tout à fait banale, dans la douceur et la gentillesse que Juliette Vrignac. Certainement elle a de la beauté, et ce triste des délaissés, et une atmosphère de regret. On s'approche, on souhaite consoler, et puis quand le sourire est réapparu, on s'éloigne. Il y a beaucoup de créatures qui ne tirent leur prestige que de la souffrance. Heureuse, Juliette agaçait. Elle n'en eut guère l'occasion après le départ de son mari, et son fils, sensible à sa mélancolie, l'aimait de ce rare amour que seul un fils peut avoir. Il s'y mêle de la reconnaissance, du respect, le goût de protéger, et aussi, sourdement, l'instinct de l'homme qu'un parfum émeut. Rien d'ambigu, rien que de la noblesse dans ses ménages, où l'enfant qui grandit paraît devenir le frère d'une femme encore jeune et qu'il a créée. Si elle est veuve, c'est le plus sublime sentiment qui les unit. Il y a de l'au-delà dans leur tête-à-tête, et lorsqu'elle pleure, la gravité de la mort apporte à l'orphelin le trouble religieux. C'est dans l'appartement, le calme des églises, et pour toute son existence, l'adolescent est sanctifié par l'étreinte devant le portrait de celui qui n'est plus. Si la mère est meurtrie par la trahison, c'est mieux. C'est la tendresse angoissée et combative, l'ambition de vaincre le destin, le métier d'amant appris dans la pureté, soi-même qu'on oublie pour ne penser qu'à elle, le pieux mensonge d'une gaieté feinte, le tact des silences, la diplomatie des caresses. Mais Vrignac n'avait pas 30 ans lorsque Laurent s'était lassé d'elle et les premiers mois écoulés, il eut, par les soins d'Edmond, presque du bonheur dans les 3 chambres où il vivait. Elle avait dit au petit garçon « Ton père est en voyage ». Mais le père avait voulu voir le petit garçon, et le petit garçon avait compris car il n'est pas nécessaire de leur expliquer. Les drames éternels font d'eux-mêmes la lumière dans ces consciences préparées par notre commun héritage. Jamais Edmond, au retour de ses visites en pays ennemi, ne parlait de ce qu'il avait entendu, mais jamais il n'était plus câlin, plus délicat. Et Juliette, captivée par l'amour maternel, oubliait peu à peu la force de l'autre amour. Il se vengea. Il ne lâche la femme qu'à l'heure de la vieillesse. Elle est, par les nécessités de sa chair, attachée à lui. Pour qu'elle se délivre, il faut qu'elle haïsse, qu'elle traite comme ordure son corps, et s'élance vers Dieu qu'elle aimerait également. Mais Edmond riait à la beauté de sa mère, conduisait sa mère au miroir, et 10 fois par jour la nommait « ma jolie maman ». Quand celui qui devait venir entra dans la maison, le jeune homme eut froid. On éprouve, avant que l'on sache, et ce n'est pas une image que de dire, le cœur se serre. L'émotion de Juliette eut sa correspondance en l'émotion hostile de son fils. « Comme tu as été désagréable !» fit Madame Vrignac lorsque le visiteur fut parti. C'était un confrère de Laurent, envoyé par celui-ci pour négocier certainement question d'intérêt. Un journaliste habile, bon écrivain, à demi-poète, et qui avait le maniement des intrigues. « Je ne l'aime pas, » répondit Edmond. « Pourquoi ? Il me déplaît. » Et toute la soirée, ils se boudèrent. Puis, cependant que l'autre faisait sa cour, Edmond fut jaloux, et le manifesta en s'attardant chez son père les jours où il dînait avec lui. Même, il lui advint de prononcer devant Madame Évrignac et devant l'autre l'éloge de ce père qui ne le trahissait pas, qui ne lui retirait pas tout à coup une part de son affection, comme elle, redevenue banale, dégagée de son voile mélancolique. Pensez donc, elle riait dès le matin, elle chantait à sa toilette, elle remplissait les trois chambres de son agitation fiévreuse et gaie. À cette époque, Edmond tenait déjà le métier de reporter, et il grommelait qu'il ne pouvait plus rédiger ses articles. « Mais qu'est-ce que tu as ? » disait-il. Elle prenait à deux mains le front songeur et le couvrait de baisers. Edmond la repoussait, pliait les feuilles et s'en allait écrire au cabaret. Lorsqu'il rentrait, il ne la trouvait pas seule. Il l'aurait tué, ce malfaiteur. Il avait pour lui de la répulsion, il souffrait de sa présence. Il ne se demandait pas « Est-ce que maman l'aime ?» Il défendait à sa pensée de s'y arrêter. Mais, irritable, impertinent, parfois grossier, il allait si loin dans le sarcasme que sa mère le rabrouait. Ce fut une liaison qui dura 11 mois. Elle eut sa courbe ascendante, son apogée, son déclin. Il me semble que nous ne voyons pas ton ami aussi souvent. Alors elle levait sur son fils des yeux effrayés, et il avait peur. Pourquoi ne vient-il plus ? Demanda-t-il enfin. Il répondit, comme jadis à propos du père infidèle, il est parti en voyage. Elle s'ornait à nouveau de tristesse. Pourtant, d'abord, Edmond ne lui pardonna pas, il avait de la rancune. Elle fut atrocement malheureuse. Pour la simple femme qu'elle était, le premier abandon permet des idées de revanche, mais le deuxième força des questions. Est-ce qu'on peut m'aimer ? Et la femme devient humble, ou très dure et méchante. Madame Évrignac était incapable de méchanceté. Elle s'humilia, elle fut écrasée, elle se négligea, et lui, son fils, assistait. Pour qu'elle souffre ainsi, se disait-il, il faut qu'elle ait été sa maîtresse. Et le mot éveillait un tumulte au plus profond de lui. Que son père s'amusait avec une danseuse, cela ne l'atteignait pas dans son intimité, mais sa mère. Il n'était plus rien de pur au monde, elle l'avait sali, elle n'était plus sainte. Elle emportait dans ses débordements la sainteté même à laquelle il avait cru. La plus grave crise, il la traversa. « Il n'est que de jouir, » pensait-il. Et la carrière de Laurent Évrignac le tentait. Quand il parlait des femmes, il baissait le coin de la lèvre. Il s'en voulait d'avoir de la compassion pour l'affligé qu'il surprenait dans le crépuscule, le regard cherchant une image ou un souvenir. Afin d'être impartial, il lutta contre soi et contre elle. Il vieillit en quelques semaines et s'approcha de la sagesse. Nous étions ignorants de son drame, mais nous sentions qu'il se perfectionnait. Il avait sur la vie, la vertu, la justice, la pitié, de brusques phrases qui décelaient ses méditations. Ce jeune homme de 18 ans s'écriait parfois, avec l'accent le plus sincère, « Vieillir est épouvantable », ou encore « Je n'empêcherai jamais qui que ce soit d'être joyeux, même dans le crime. » Et si l'un de nous lui opposait l'intérêt de ton qui dicte les lois, il répliquait « Je m'en soucie peu. Ce qui me touche, c'est qu'un être, avant de mourir, n'a qu'un très petit nombre de bonheurs à goûter, et que je me reprocherai d'en supprimer un, et que je ferai tout, au contraire, pour en ajouter un. Mais vous ne me comprenez pas. » Le front barré, il s'éloignait. Il la retrouvait devant la fenêtre où jadis, elle guettait en chantant. Il la retrouvait, les cheveux décoiffés, négligés et tragiques. Or, un soir, qu'il avait rapidement traversé l'antichambre, il entendit sa mère qui sanglotait, et il courut à elle, l'enveloppa de ses bras. Il but sur les paupières les larmes. Il releva les boucles mouillées. Il la força de quitter le fauteuil où elle se désolait. « Maman, disait-il, maman, tu n'as pas honte. Viens devant le miroir et regarde. Si, si !» Il faut que tu regardes. Écoute, petite maman, si tu pleures comme cela, tu seras vieille bientôt, et tu ne seras plus jolie. Puis, la cajolant, il murmura. Si tu t'es devenue laide quand papa est parti, tu n'aurais pas eu ce que tu regardes maintenant. Écoute, il te reste encore 7-8 années, et ensuite... Il s'arrêta. Elle tournait vers lui un visage anxieux. Ensuite, dit-elle. Ah, fit-il, ensuite ce sera fini, n'est-ce pas? Tu crois que c'est fini quand on meurt? Je ne sais pas. Si tu ne sais pas, c'est que, pour toi comme pour moi, ce sera fini, puisqu'il ne reviendra plus. Ne le regrette pas, maman, et garde-toi jolie. » Elle s'effondra. Il se pencha sur elle, et il avait pour cette femme qui n'était plus seulement sa mère, mais un être faible, un être humain, une immense pitié. Il contemplait sur ce visage l'œuvre du temps. Il imaginait ce visage ridé et déchu, et il souhaitait. Non, il n'allait pas si loin. Il voulait qu'elle se gardât jolie, afin qu'elle pût courir jusqu'au bout, et avec tous ses avantages, les grands hasards. C'était « Un soir qu'elle pleurait » par Binet Valmer.